et les gens du feu crieront aux gens du paradis. Déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront : Allah les a interdits aux mécréants.